الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقى الله نجاه وأرشده إلى خير أموره في دينه ودنياه ثم اعلم رحمني الله وإياكم ثم اعلم رحمني الله وإياكم أن ديننا دين كامل شامل للخير كله في الأمور الدنيوية والأمور الأخروية في العقيدة والعبادات في الأخلاق والمعاملات ومن مجاب هذا الدين العظيم إماطة الأذى عن الطريق ونصوص كثيرة تحثنا على فعلها وتحذرنا من ضدها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والأذى كل ما يؤذي المار كالحجر والشوكة والزجاج إلى غير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم أيها المؤمنون إن إماطة الأذى عن الطريق محبوب إلى الرحمن وسبب لمغفرة الذنوب والفوز بالجنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر الله له رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لشجرة قطعها من ظهر الطريق من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم لا يؤذيهم فأدخل الجنة بهذا العمل بسبب هذا العمل أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة وكما جاء الترغيب في إزالة الأذى عن الطريق عن الطرقات من أجل سلامة المارة فقد جاء الوعيد فقد جاء الوعيد الشديد في حق من يلقي الأذى في طرقات الناس ويؤذي المارة ويزعجهم خنا عن ماذا تبحث؟ وكما جاء الترغيب في إزالة الأذى عن الطرقات من أجل السلامة من أجل سلامة المرة، فقد جاء الوعيد الشديد في حق من يلقي الأذى في طرقات الناس ويؤذي المارة ويزعجه. عن حذيفة بن أسيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ذكره الألباني في السلسلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم، أي يقضي حاجته، يقضي حاجته في طريق الذي يسلكه الناس أو في ظل يجلسون فيه. ومن فعل ذلك فهو مستحق للعنة والعقوبة عياذا بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وتؤذي جارها وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال: لا خير فيها، هي في النار. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. ومن قواعد الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. بل إن لشدة الأمر ليس للمرء أن يتقدم في خير إذا ترتب على ذلك أذية المسلمين، ولو كان قصده حسنا. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فقد آذيت الناس. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. رواه مسلم. سبحان الله، إذا كانت الأذية ممنوعة ولو لعرض شرعي، فكيف بالأذى المتعمد لأجل الدنيا وللهوى؟ فكن خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقيل له: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه، أو قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وقد تساهل كثير من الناس في أمر أذية المسلمين وأذية الطريق وإزعاج الآخرين. يلقون القمائم، يلقون القمامة أو الزيت أو قطاع الزجاج في طرق الناس، أو البعض يقفون بسيارتهم ولو أذى مئات الناس، ولا يبالي ولا يعقل ولا يفكر في من وراءه. وقل من تجد ممن يحتسب الأجر فيزيل هذه الأذيات، والله المستعان. فأين الإيمان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، أو قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأين نحن من تعليمات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فكم من الناس إذا سلك طريقا يريد به المسجد ويريد به صلاة الجمعة، إذا به يزعج الناس ولا يعطي للطريق حقه، فهذا آثم عياذا بالله وداخل في هذا الوعيد الشديد الذي سمعتم، رحمني الله وإياكم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Comme vous le savez tous, notre religion, l'islam, est une religion parfaite, une religion complète qui nous amène le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, tant dans la croyance que dans les adorations, tant dans le comportement que les transactions. Et parmi les choses qui nous ont été enseignées par notre noble religion, le fait de ne pas nuire aux gens et le fait de ne pas gêner les chemins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même cité ce point dans les branches de la foi, lorsqu'il nous dit, alayhi salatu wassalam, la foi se compose d'une 70 de branches, ou bien 80 branches. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la branche la plus haute est la ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée, excepté Allah. Et la branche la plus basse est le fait d'ôter une chose qui nuit, le passage, qui nuit au passage ou qui nuit les passants. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur est une branche de la foi. Donc toute chose qui peut nuire aux gens qui sont sur les chemins, comme des bouts de verre, comme des branches, comme des épines, comme de l'huile ou des choses glissantes, toute chose semblable, si tu l'ôtes du chemin, si tu l'enlèves du chemin, tu auras accompli une action faisant partie de la foi. Tu auras fait une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et ainsi tu seras récompensé, incha'Allah ta'ala, et tu auras augmenté ta foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cette noble action dans de nombreux hadiths. Il nous dit alayhi salatu wa salam dans un hadith dont la traduction est « On m'a présenté les actions de ma communauté, les bonnes comme les mauvaises. Et j'ai trouvé que parmi leurs bonnes actions, il y avait le fait d'ôter ce qui pouvait gêner le chemin, d'ôter toute chose pouvant gêner le chemin et le passage. Et j'ai trouvé que parmi les mauvaises actions, il y avait le crachat qui était dans la mosquée et personne ne l'enterrait. C'est-à-dire que la personne crachait, et à l'époque c'était de la terre, la personne doit enterrer cela. Elle doit enterrer cela. Donc parmi le mal, le fait de ne pas le faire, le fait de ne pas nettoyer et prendre soin du masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un autre bienfait pour nous encourager dans cette noble action, le fait d'éloigner du chemin toute chose qui peut nuire aux passants. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et il y a dans le fait d'ôter une nuisance du chemin une aumône. Celui qui enlève une chose qui gêne les passants aura accompli une aumône et sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsqu'il nous a rappelé le grand bienfait de nos membres et de nos os. Il nous dit, pour chaque os, tu dois faire une sadaqa. Chaque jour. Et à la fin du hadith, il nous dit, le fait d'ôter une nuisance du chemin est une aumône, est une sadaqa. Le musulman doit savoir que d'enlever une chose qui gêne les passants, d'enlever une nuisance qu'il y a sur le chemin, fait partie des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, que c'est une cause pour se voir pardonner ses péchés, et c'est même une cause pour entrer au paradis. C'est une action qui semble simple, mais nombreux sont ceux qui ne la mettent pas en pratique, et bien au contraire, font le contraire, et mettent des nuisances sur le chemin et gênent les passants. Wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'un homme était en chemin, il a trouvé devant lui une branche épineuse. Il l'a prise et l'a enlevée du chemin. Il a enlevé cette branche du chemin. Écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à cela. Allah, fashakar Allahu la, Allah l'a récompensé. Wa ghafar Allahu la, et lui a pardonné ses péchés. Allah l'a récompensé, lui a pardonné ses péchés pour avoir enlevé une branche épineuse qui était sur le chemin. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai vu un homme dans le paradis qui jouissait du paradis pour un arbre qu'il a coupé car il gênait le chemin, car il gênait le chemin des musulmans. Pour avoir coupé un arbre, pour avoir ôté une nuisance sur le chemin des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala accorda à cette personne le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, un homme est passé et a vu, donc il était en chemin, il a vu une branche qui était sur le chemin. Il a dit par Allah, je vais enlever cette branche afin que les gens ne soient pas gênés, afin que cela ne nuise pas aux musulmans. Alors pour cela, Allah le fit entrer au paradis. Alors pour cela, Allah le fit entrer au paradis. Tout comme les textes nous encouragent à enlever tout ce qui peut nuire au passage, les textes nous mettent en garde contre la nuisance, contre le fait de gêner les passants, contre le fait d'obstruer le chemin des passants et toute chose qui s'y réfère. Et on trouve de lourdes menaces adressées à ceux qui gênent la circulation. On trouve de lourdes menaces adressées à ceux qui gênent le passage et le chemin emprunté par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui nuit aux musulmans sur leur chemin mérite la malédiction. Il mérite la malédiction. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, mettez-vous à l'abri de ceux qui causent la malédiction. Alors les gens ont dit, ô messager d'Allah, et quelle est cette chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le fait de faire ses besoins sur le chemin des gens ou bien à leur ombre. C'est donc interdit de faire ses besoins sur les lieux de passage, et c'est également interdit de faire cela à l'ombre que les gens utilisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous montre la gravité de mettre des nuisances sur le chemin, sur les chemins, et que cette personne mérite la malédiction et la punition. Il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, il fut rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme priait la nuit et elle jeûnait le jour, mais elle nuisait à son voisinage avec sa langue. Elle nuisait à son voisinage de par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tout cela lui sera d'aucune utilité. Elle est en enfer. Subhanallah, elle jeûne le jour, elle prie la nuit. Mais ses voisins ne sont pas à l'abri de son mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout cela ne lui sera d'aucune utilité. Elle est dans le feu. Elle est dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une grande règle en disant nulle nuisance. Nulle nuisance. Cette chose est tellement grave en islam que même si le but est louable, si cela va entraîner la nuisance et le préjudice, tu ne devras pas t'y avancer. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a mangé de l'oignon ou bien de l'ail, qu'il ne s'approche pas de nos mosquées, qu'il ne s'approche pas de nos mosquées. Car certes les anges, car certes dérangent les anges ceux qui dérangent le fils de Adam. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de venir au masjid si nous avons mangé de l'oignon ou bien de l'ail, car cela se répercute sur autrui et nuit les gens. Donc si tu viens après avoir mangé de l'ail ou de l'oignon à la mosquée, tu vas nuire aux gens. Et dans la prière, tu vas nuire aux gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que la mosquée soit le meilleur endroit, le plus aimé chez Allah, et que la prière en son temps à la mosquée, l'action la plus aimée d'Allah, il te dit de ne pas venir au masjid. Il te dit de ne pas venir au masjid. Que dire alors de ceux qui nuisent pour des choses mondaines ou par suivi de leur passion? Un homme est entré à la mosquée en ce jour du vendredi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, il était sur le minbar. Cet homme a commencé à enjamber les gens, il était au fond et a commencé à enjamber les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: assieds-toi, tu as dérangé les gens. Assieds-toi, tu es en train de nuire aux gens. Cet homme voulait se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait écouter de plus près, tirer profit des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et lui a ordonné de s'asseoir. Tout cela est pour le bien. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'interdit. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'interdit. Alors sois le meilleur des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: ô messager d'Allah, quel est le meilleur islam? Il a répondu: celui dont les musulmans sont à l'abri de ses mains et de sa langue. Le meilleur islam est celui qui préserve les musulmans de sa langue et de sa main. Et aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui ont du laxisme dans ce chapitre de la religion. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés et nous a montré la gravité de contredire son ordre. Malgré tout ça, on trouve que beaucoup de gens ont du laxisme dans ce chapitre. Je ne parle pas des gens qui ne viennent pas au masjid. Je ne parle pas des gens qui n'accomplissent pas la prière, ne s'acquittent pas de l'aumône. Mais je parle même de ceux qui viennent au masjid le meilleur jour de la semaine, le vendredi. Je parle de ceux qui viennent à la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et préserver la prière en groupe. Nombreux sont ceux qui ont du laxisme. Nombreux sont ceux qui n'accordent pas au chemin ses droits, qui nuisent aux passants. Certains parmi les gens déposent leurs ordures à l'extérieur dans les endroits non prévus à cet effet. Certains jettent des bouts de verre ou cassent des bouteilles en verre. D'autres vident leur huile et autres choses nuisantes sur le chemin des gens. Tout cela est proscrit en islam. Et plus dérangeant que cela, les voitures. Certaines personnes s'arrêtent en plein milieu de la route et discutent avec un passant, sans se soucier de ceux qui sont derrière lui, ceux qui sont pressés ou ceux qui sont malades. Il nuit aux gens sans réfléchir et méditer aux conséquences. Peu sont ceux qui espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en venant en ôter la nuisance du chemin. S'il y a une branche sur le chemin, un bout de verre, et que tu t'arrêtes et que tu l'enlèves à la recherche de l'agrément d'Allah, il se peut que toi aussi tu entres dans ce hadith qu'on a cité auparavant. Un homme est entré au paradis pour avoir enlevé une branche épineuse. Que dire alors de celui qui déplace sa voiture pour ne pas nuire aux musulmans et ne pas nuire au voisinage et ne pas nuire aux passants? On espère pour lui al-firdaus al-a'la. Pour avoir enlevé une branche, cet homme est rentré au paradis. Si toi tu déplaces ta voiture avec cette intention, il se peut qu'Allah Azza wa Jal t'accorde bien plus que cela. Où est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, cher frère? Où est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cher frère? Il nous faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas entrer dans cette menace et dans ces ahadith qui font peur à celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala, respectez les droits d'autrui, ne gênez pas le passage. Et pour conclure, j'attirerai votre attention sur deux points, entrant dans ce sujet. Le premier point est les voitures. Le premier point, c'est les voitures. Ceux qui sont véhiculés ont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur possession. Ils doivent se montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas l'utiliser pour nuire aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les faibles de foi et les faibles d'esprit s'arrêtent en plein milieu de la route et discutent avec des passants, sans se soucier de ceux qui sont derrière eux. Ceci est un manque dans la religiosité et dans le comportement. C'est également un manque dans la raison. D'autres nuisent au chemin en faisant des courses. D'autres en klaxonnant pour un oui ou pour un non, ou pour la victoire de l'équipe qu'ils supportent, l'équipe de foot qu'ils supportent ou autre. Ils klaxonnent, même si c'est en plein milieu de la nuit. Ces gens-là ne se sont pas acquittés des droits du chemin. Ces gens-là ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nombreux sont les accidents et les personnes handicapées à vie suite à cette désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point est ceux qui restent sur les chemins. Le deuxième point concerne ceux qui restent sur les chemins, sur les trottoirs, ou bien se regroupent sur les chemins, les lieux de passage. Ceci est proscrit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: prenez garde à rester sur les lieux de passage. Alors les compagnons disent: ô messager d'Allah, ce sont les lieux où on se retrouve, où on se regroupe afin de discuter. Nous en avons besoin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voulez vraiment vous réunir ainsi et que vous n'avez pas le choix, alors acquittez-vous des droits du chemin. Les compagnons ont dit: et qu'est-ce que les droits du chemin, au messager d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: le fait de baisser le regard. Lorsqu'il y a une femme qui passe, tu dois baisser ton regard. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: préserve ton mal, ou bien retiens ton mal. Donc tu ne dois pas nuire aux gens. Tu ne dois pas porter préjudice aux gens. Kafful adha. Troisièmement, raddu salam. Tu dois répondre au salut. Quatrièmement, al amru bil ma'ruf. Tu dois recommander le convenable. Et cinquièmement, al nahyu anil munkar. Tu dois proscrire le blâmable. Celui qui ne fait pas cela et qui reste sur le chemin aura désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il sera dans le péché. Comme a dit le grand savant Salih ibn al-Fawzan hafidahullahu ta'ala: celui qui reste sur le chemin se met en danger dans son iman, dans sa religion, dans son comportement et le regard des gens. Il rentre dans la fitna. Il aura à voir toutes sortes de choses et de péchés au point de les minimiser. Il va nuire aux gens et va restreindre le passage. Combien sont ceux qui, du fait qu'ils se garent mal, mettent des femmes et leurs enfants en poussette en danger? Combien de fois est-ce qu'on a vu des femmes passer sur la route car des hommes restaient sur le passage, sur le chemin? Combien de personnes avons-nous vu traverser la route avec leurs poussettes et leur nouveau-né dans celle-ci car les gens leur nuisaient? Le musulman ne doit pas être caractérisé ainsi. Le musulman ne doit pas avoir ce mauvais comportement. Le musulman ne doit pas nuire aux gens, qu'ils soient musulmans ou non. Et la plupart de ces regroupements ne sont pas faits pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas complètement pénétré les cœurs, arrêtez de nuire aux musulmans et ne suivez pas leurs défauts. Car certes, celui qui suit les défauts du musulman, Allah suivra ses défauts. Allah suivra ses défauts au point de les dévoiler en plein milieu de sa famille. Au point de les dévoiler en plein milieu de sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes sans aucun droit ont certes commis une énorme injustice ou bien un énorme mal, un mal évident. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala et éloignez-vous de la nuisance. Pour conclure, chers frères, rahimanillah wa iyyakum, vos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, vos mères et vos filles se plaignent de vous. Il m'est parvenu plusieurs mails durant cette semaine, m'informant que les frères, ou du moins une partie des frères, ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala à la sortie du Jumu'ah. Ils restent devant le masjid, devant les deux sorties du masjid, et occupent les deux trottoirs du masjid, et ne laissent pas de passage pour les femmes. Certaines femmes attendent une demi-heure pour ne pas se mélanger aux hommes de par leur pudeur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis à l'intérieur de leur cœur. Ces femmes-là sont vos épouses, sont vos sœurs, vos filles et vos mères. Malgré cela, l'un d'entre vous ne trouve pas la foi nécessaire pour se déplacer et pour dire à ses frères, « Et tariq, ne nuisez pas au chemin, il y a nos sœurs qui veulent sortir. » Malgré cela, on ne trouve pas la force nécessaire de iman et de raison pour laisser un passage pour nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Hada haramun alaykum. Hada haramun alaykum. Hada haramun alaykum. Fattakullah ya ibadallah. Ceci est interdit. Ceci renferme une désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famin yawmina hada insha'allahu ta'ala. Waffaqana Allah wa iyyakum. نمتثل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc à partir d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, il nous faut nous soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne plus retomber dans cette désobéissance. Laissez le chemin à la sortie du masjid et ne gênez pas nos voisins par vos voitures ou avec vos voitures. De nombreuses personnes sont malades et vous demandez à vous qu'Allah azza wa jalla leur faveur. نسأل الله تبارك وتعالى من عليهم الشفاء ويرحم من توفي والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك